Jean. Venez entendre la fabuleuse histoire du chevalier Perceval qui vainquit les dragons. Approchez tous, l'histoire en vaut la peine, elle vous fera frémir. Venez applaudir ce beau chevalier venu de lointaines contrées. Venez entendre le récit de son aventure de la quête du Graal. C'est là une bien étrange histoire que je vais vous conter. Et aussi vrai que je suis là devant vous, voici ce qui arriva. Nous t'attendions, car il était écrit que tu viendrais. L'endroit où tu te trouves est maudit. Et s'il te paraît plaisant, c'est que nous nous efforçons d'oublier le triste sort que nous a jeté l'enchanteur de ce pays. récit de Perceval qui brisa la malédiction de l'enchanteur. Depuis, il a rencontré bien d'autres obstacles sur son chemin. Mais pour aujourd'hui, mes amis, l'aventure est finie.